de la censure. De même que la déclaration de la volonté générale se fait par la loi, la déclaration du jugement public se fait par la censure. La censure peut être utile pour conserver les mœurs, jamais pour les rétablir. Établissez les censeurs durant la vigueur des lois. Sitôt qu'elles l'ont perdu, tout est désespéré. Rien de légitime n'a plus de force lorsque les lois n'en ont plus.